mercredi le 17 octobre 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25$. Billets en vente au corrigan.ca. CKRL.QC.ca. Ce soir, à l'aérospatiale, bivouac, la bataille des fourreaux au centre Materia, un petit historique de l'îlot Fleury, et Wartin Pantois revient sur sa résidence à Nantes. Bonsoir, vous écoutez l'Aérospatiale, le magazine radiophonique entièrement consacré au monde des arts visuels dans la ville de Québec. J'entienne la France avec vous pour la prochaine heure. Nous allons parler d'art visuel sur les ondes de CKRL. D'abord, en chronique, on retrouve Audrey Caro qui revient sur l'exposition Bivouac, la bataille des fourreaux, qui regroupe les pratiques d'Isabelle Demers, d'Anouk Desloges, qui a jadis été chroniqueuse à l'émission, d'Émilie Proulx. Et c'est une exposition collective qui est actuellement présentée au Centre Materia. Ensuite, Delphine Eggesbar va nous faire un petit historique de cet espace citoyen mythique de la ville de Québec qu'est l'îlot Fleury. Et donc, l'îlot Fleury qui a connu plusieurs pentes des mobilisations sociales de la ville, mais aussi des productions artistiques quand même assez majeures dans le paysage des arts visuels à Québec. Et en deuxième moitié d'émission, nous allons recevoir l'artiste engagé Wartin Pantois pour parler de son séjour à Nantes. En France, donc des rencontres qu'il a faites et des entrevues qu'il a réalisées. Mais tout d'abord, on va y aller avec la sélection audio de Simon Roy cette semaine qui nous présente Troxelmotte, donc qui est un projet de Anastasia Sinistina, qui est une Ukrainienne qui est basée à Kiev et qui explore une musique expérimentale à la limite entre l'ordre et le chaos, entre le beau et le révoltant. Donc, je vous laisse apprécier cet extrait et au retour de la pause, je reçois Audrey Caro. Bonsoir, Audrey Caron. Allô, Jean-Tiane. Très contente de te revoir en studio. Oui, moi, très heureuse d'être à nouveau derrière un micro de radio. Donc, tu es allée voir l'exposition Bivouac, la bataille des fourreaux, qui est présentée au Centre Materia. Oui, exactement. Une très belle exposition en trio, un beau trio avec Émilie Proulx, Anouk Desloges et également Isabelle Demers. Trois artistes qui sont de Québec, qu'on a vus dans le giron de Québec pendant plusieurs années, mais bon, maintenant qu'ils sont répartis, Isabelle est toujours à Québec, Anouk est maintenant à Toronto et Émilie à Montréal. Donc, c'est intéressant parce que cette exposition-là s'est montée à distance, une collaboration à distance. Qui est parti sous l'idée, il faut le dire, le bivouac, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi depuis quelques années, là, un mot à la mode, mais c'est l'idée d'un campement rudimentaire en nature, finalement. Donc, c'est comme une espèce de tent sleeping, là. Oui, c'est ça, quelque chose de, vraiment de base, mais qui nous amène à aller dans les contrées sauvages, à pouvoir expérimenter la nature de manière très, très simple. Ça donne le ton quand même sur les thématiques qui sont abordées dans les différentes œuvres de l'exposition. Tout à fait, puis un des points communs du moins une œuvre qui est commune à chacune, c'est l'idée d'avoir travaillé sur une tente. Donc, chacune le travaille différemment, mais elles sont parties avec cette idée-là, justement, et elles ont toutes brodé, hein, parce qu'il faut dire, à Materia, on est du côté des métiers d'art, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles traitent chacune à leur manière les métiers d'art d'une manière très contemporaine. Avec un peu de l'extérieur, si on veut, là. Oui, et je veux dire aussi, ça reste que c'est des médiums très traditionnels, hein, où justement l'apprentissage familial qu'on passe de mère en fille ou de grand-mère en petite-fille, c'est là, mais dans sa forme, comment elle le traite et aussi par leur sujet, c'est tout à fait contemporain. Fait que là, ça nous amène ailleurs. Et puis pour les amateurs d'artisanat, vous allez y trouver quand même aussi votre compte parce que vraiment, c'est bien fait. Les sujets nous touche aussi beaucoup, je trouve. En tout cas, vous pouvez pas sortir de là sans aimer une œuvre. Ça, c'est certain. Même moi, il y en a une qui m'a presque fait pleurer. Je l'avoue, là, j'ai eu des petites émotions quand j'ai vu ça. Mais ça reste que, pour revenir à notre idée, on part du motif de la tente. Donc, Émilie, par exemple, elle a décidé d'utiliser toute la tente au complet, alors qu'Isabelle et Anouk ont travaillé un pan. Elles ont même refait, avec des tissus, changé les tissus, alors qu'Émilie a gardé le côté, dans le fond... L'entièreté. L'entièreté, exactement, de la tente. Mais c'est intéressant parce qu'on selon les univers de chacune, pour ceux qui les connaissent déjà, on les reconnaît. On reconnaît leur motif, mais je trouve qu'il y a une maturité, puis il y a une expérimentation aussi. Par exemple, avec Isabelle Demers, on est habitué de la voir travailler en pyrogravure, mais sur du bois ou sur du papier, alors que là, c'est la première fois qu'elle tentait de broder, alors que les deux autres, c'est un peu leur... Ça fait partie de leur pratique depuis un certain temps. Tout à fait. Et alors qu'Isabelle, elle a dû apprendre rapidement, mais aussi, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'elle a fait de la pyrogravure sur du denain. Sur du jeans. Alors que quand je regardais ça, je me suis dit, coudonc, elle a-tu dessiné avec... Ça laisse l'impression d'un crayon à l'encre. Et alors que non, c'est bel et bien de la pyrogravure, et on m'expliquait qu'elle a dû travailler très, très rapidement parce que dépendamment du textile, ça réagit aussi. Ça peut flamber, là, du denain. Ou autre. Alors, il y a une belle vidéo sur le site, sur la page Facebook de Materia, vous irez voir, où on la voit travailler, donc vraiment par petits coups, justement, pour arriver à donner à la fois une couleur plus foncée, plus pâle, ou enfin faire ses effets. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça amène son travail dans une contrée différente aussi. Puis dépendamment des textiles, la couleur aussi va être différente du dessin parce qu'à côté, sur la section, la petite portion de tente sur laquelle elle a travaillé, c'est au lieu d'être bleu comme le denain, on est dans un hibou qui est un peu gris, un petit peu gris-brun, là, si je peux dire. Donc ça, c'était intéressant. Puis chez Isabelle, on retrouve très bien son bestiaire au travail de ces pièces-là, mais un bestiaire différent aussi. Je veux dire, hibou, moi, je n'ai pas vu tant souvent. Je me rappelle beaucoup des chauves-souris, par exemple, ou des chiens. Oui, on est peut-être moins dans l'étrange. Oui, mais reste qu'il y a quand même des sculptures pas très loin de là aussi en céramique qui nous ramènent dans cet univers qu'on connaît, mais quand même travaillé de manière différente. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, du bestiaire, mais imaginaire chez Isabelle qui nous amène, qui nous rappelle dans cette contrée un peu sauvage, mystérieuse de la nature, hein, ces bêtes qu'on entend le soir quand on est couché, mais qu'on ne sait pas trop. Oui, on est dans un campement dans cette exposition-là. Tout à fait, puis chacune a ses échos différents, et voilà, fait que moi, j'ai bien aimé cet aspect-là chez Isabelle, puis ses petites mains aussi en céramique, comme jaunâtre, verdâtre, là, un peu, justement, qui nous rappelle des drôles de personnages qui peuvent se promener dans la nature, ou cet imaginaire qu'on développe aussi quand on est enfant, par exemple, sur toutes ces bestioles qui peuvent s'y trouver. Moi, je trouve ça éveille ça, les sculptures qui sont là. Ou sinon, Anouk, elle est un petit peu plus poétique, je trouve. On est davantage aussi, elle est dans le langage, dans sa pièce avec la tante, mais aussi qui nous parle de la vulnérabilité quand on est en nature aussi, on est face aux éléments. Puis des fois, on vient empreint de panique, de peur, mais en même temps, on reprend le contrôle aussi en se disant, bon, OK, tout va bien, mais il y a quelque chose de ça à l'intérieur. Puis il y a une magnifique broderie sur plexiglas, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Anouk, c'est qu'elle brode, mais comme une sculpteure, sur des sculptures. Oui. Là, c'est un panneau, mais elle a déjà fait ça sur des sculptures en métal ou sur d'autres médiums. D'autres surfaces transparentes. Comme le plexiglas, c'est beaucoup aussi son médium de prédilection. Et c'est la pièce qu'on voit là, mais qui est peinte aussi avec un motif, des éléments brodés, entrelacés, comme des espèces de cordes aussi. On me disait là-bas, on parlait de rivière aussi en même temps ou autre. Donc, il y a ça qui est très, très poétique aussi. Puis elle a une petite pièce dans la vitrine aussi. Moi, qui est moins venue me chercher, mais quand même qui est intéressante, des silhouettes, un peu comme ces silhouettes étranges qu'on peut voir des fois quand on est dans la nature, la nuit. Oui, c'est ça. On peut confondre un arbre avec un être humain là, quand l'obscurité est arrivée. Exactement. Puis les silhouettes ne sont pas très bien définies non plus. Fait que ça laisse place à l'interprétation aussi. Et puis sinon, je dois dire aussi, Émilie Proulx a toujours été un coup de cœur pour moi, parce que malgré le fait que c'est une je vous dirais, on est un peu plus dans la mythologie très personnelle. Ses œuvres sont toujours très personnelles. Elle brode des petites histoires, finalement, des éléments figuratifs, comme là, sur la tente. On voit beaucoup de chevaux, on voit le visage d'une femme âgée, mais qui porte un casque de réalité virtuelle. Donc, on peut s'imaginer probablement ce qu'elle voit dans son casque. C'est une contrée de chevaux qui galopent comme ça, de chevaux sauvages. Et puis, c'est drôle, tous ces éléments-là. Puis dans la tente, il faut faire le tour aussi, parce qu'il y a une ouverture de l'autre côté derrière, et il y a un sac au sol qui est, dans le fond, le sac de la tente sur lequel elle a brodé un cheval. Mais il y a aussi des écussons, comme on a quand on est dans les Jeannettes ou les scouts. Donc, on sent que cet élément-là a peut-être marqué aussi enfance peut-être, ou quelque chose. Ou celle de sa fille. Exactement. Donc, mais quand je vous dis, il y a toujours un élément sur lequel on peut se raccrocher plutôt, il y a ça. Et sinon, je vous dirais, moi, une pièce, il y a une très belle pièce aussi, la cape. Cette magnifique cape aussi, qui est toute brodée discrètement, qui m'a évoqué le petit chaperon rouge ici, mais qui est brodée d'une forêt avec un renard, notamment une lune aussi qui tient dans les mains dans une main qui est là au travers de la forêt. Quelque chose de très poétique, mais surtout, c'est le livre. Prenez le temps de regarder. Elle a cousu un livre avec du textile, mais aussi des broderies, plusieurs broderies qu'elle a fait, qui est extrêmement touchant, où on sent cette histoire très personnelle, mais qui en même temps a quelque chose de très universel aussi, qui parle de maternité, qui parle d'amour, qui parle de famille aussi. Donc, vraiment, ça, c'est ce qui me fait monter un petit peu d'émotion en moi quand j'ai regardé. Surtout, si connaissant un peu l'artiste, je savais un peu à quel moment ces choses-là sont arrivées dans sa vie, mais même là, on peut tout simplement apprécier grandement cet objet-là. Donc, très intéressant, comme les livres qu'on amène aussi en nature pour décrocher. En tout cas, bref, vous allez voir, l'idée de campement ou de relation avec cette nature-là est là, partout dans cette exposition. Donc, interprétée par trois artistes. Donc, c'est un collectif ad hoc. Elles ont vraiment travaillé ensemble. C'est pas comme si les œuvres avaient été faites avant. Elles ont vraiment travaillé en collaboration pour monter cette exposition-là. C'est ça. Puis, comme je disais, à distance, là, il faut faire vite parce que l'exposition se termine la semaine prochaine. Oui, donc, le 14 octobre. Et aussi, peut-être vous dire, c'est fun parce que cette expo-là, elle est en tournée. Elle a été cet été en Alberta, à Edmonton, mais elle s'en va en Virginie, à Richmond, en Virginie. Donc, c'est vraiment le fun aussi que le travail de ces jeunes artistes très talentueuses voyagent et soient vues ailleurs, autant au Canada qu'aux États-Unis. Bien, merci beaucoup, Audrey Caro, de nous avoir parlé de l'exposition Bivouac, la bataille des fourreaux, qu'on peut voir au Centre Materia jusqu'au 14 octobre. Et nous, on retrouve le travail de Troxel Mott pour une petite pause audio. Et au retour de la pause, Delphine Aguesbar. Bonsoir Delphine Aguesbar. Bonsoir Jean-Tiane. Donc Delphine est allée à une promenade de conférence à l'Îlot Fleuri, c'est ça? Oui, sur les traces de l'Îlot Fleuri, parce qu'évidemment il en reste seulement quelques vestiges, oui, je dirais. Malheureusement. Oui, en effet. Mais donc samedi dernier, oui, il y avait un événement, cette promenade conférence là sur l'Îlot Fleuri qui était organisée par l'organisme Verdir Saint-Roch, et c'est François Gécouillard qui animait cette promenade-là. Il s'est d'ailleurs beaucoup intéressé à l'histoire des quartiers centraux de Québec, et donc il nous proposait de retourner un peu sur les traces de cette initiative citoyenne-là, qui a été véritablement un laboratoire artistique et communautaire qui a existé durant 16 ans dans le quartier de 1991 à 2007. Et vraiment, la conférence était l'occasion de réaliser, pour ceux qui n'étaient pas familiers avec l'histoire de l'Îlot Fleuri, à quel point ça a été une amorce de la revitalisation du quartier Saint-Roch. Oui, puis c'était la mobilisation citoyenne qui l'a créé, l'Îlot Fleuri. Là, c'était pas des promoteurs comme ce qui est arrivé après. Oui, absolument. En fait, je pense que même pour comprendre véritablement comment ça a émergé, l'Îlot Fleuri, il faut retourner un peu en arrière. Le quartier Saint-Roch, c'est un quartier qui avait été très important économiquement au 18e ou 19e siècle, mm-hmm. entre autres à cause de l'industrie navale. Et ça avait connu un peu un déclin au 20e siècle, ce qui avait amené les autorités municipales à repenser un peu les plans d'aménagement. Et à la fin des années 60, ils avaient proposé des projets très ambitieux, mais qui nécessitaient plusieurs expropriations et la démolition de plusieurs bâtiments. Et pendant une vingtaine d'années, le quartier Saint-Roch était marqué par de grands terrains laissés à l'abandon parce que ces projets-là, très ambitieux, n'aboutissaient pas. Donc, on passe aux autoroutes, aux bretelles d'autoroute. Il y a eu la fameuse bretelle d'autoroute qui arrivait dans un mur, là, à une certaine époque. Elle a été détruite, mais c'était quand même quelque chose qui illustrait beaucoup ce qu'était le quartier Saint-Roch à l'époque, là, dont tu parles. Donc, ces projets qui aboutissaient pas. Oui, absolument. Puis même, imaginez-vous, là, des années 70 aux années 90, où justement l'île aux Fleuries va être mise sur pied, le quartier Saint-Roch avait pour surnom Plywood City, tellement il y avait une omniprésence des contreplaqués qui placardaient les immeubles qui étaient laissés à l'abandon. Il y avait des grands terrains abandonnés laissés en friche, et c'est sur un de ces terrains-là que Louis Fortier, en 1991, un résident du quartier, va décider d'investir, en fait, un de ses terrains abandonnés en y plaçant une sculpture et aussi quelques fleurs. Et très rapidement, plusieurs résidents du quartier vont emboîter le pas. Et il va avoir une mobilisation assez extraordinaire autour de cette initiative-là d'occupation illégale de cet espace-là. Oui, il avait pas demandé la permission pour mettre de l'art public. Et puis c'est fabuleux parce que ça a commencé avec de l'art et des fleurs. Exactement. Puis ça montre très bien, je dirais, les deux volets là, que va avoir dans la première phase, en tout cas l'île aux Fleuries, d'être à la fois un jardin communautaire, mais aussi un jardin de sculpture ou en tout cas un lieu où les artistes se rassemblent parce que très peu de temps après, il va y avoir éventuellement les étudiants qui vont arriver à l'édifice La Fabrique à partir de 94. Donc, il va y avoir les étudiants en art très, très près de ce lieu-là aussi. Puis, il va y avoir la coopérative Méduse aussi qui va s'installer à partir de 95. Donc, il va y avoir, disons, deux pôles artistiques aussi très près de l'île aux Fleuries. Oui, parce aujourd'hui... qu'il faut le dire, je ne sais pas si tu l'as mentionné, c'est que l'île aux Fleuries se trouvait auparavant où le jardin Saint-Roch se trouve en ce moment, là, où est-ce que la grosse à fontaine. Proximité. Oui, okay. À proximité, oui. Pas très, très loin. En fait, je dirais de l'autre côté de la rue de Saint-Vallier, face à la coopérative Méduse, parce que, en fait, l'île aux Fleuries va côtoyer le parc Jean-Paul Lallier, qu'on appelle communément le parc Saint-Roch. Ils vont se côtoyer pendant quelques années. Et il va y avoir éventuellement une très, très forte collaboration à la fois de la communauté. C'était un projet qui était très inclusif, hein. L'île aux Fleuries, il y avait plusieurs initiatives qui pouvaient être apportées par les citoyens, mais il y a aussi plusieurs événements artistiques aussi qui ont été mis sur pied dans les premières années, dont justement l'événement Plywoodstock à partir de 1993. Donc, il y a évidemment un jeu de mots sur Woodstock et Plywood City, mais aussi le Festival Émergence à partir de 94, qui est un événement artistique annuel d'envergure nationale, qui était une sorte de symposium ou de grande performance artistique qui mettait en valeur des sculptures, des projections cinématographiques et plus encore. Mais là, on a parlé d'une première phase de l'île aux Fleuries qui éventuellement va être relocalisée en 1997 à cause des différents projets immobilier qui vont émerger suite à, je dirais, à cette amorce-là de revitalisation du quartier. Et à partir de ce moment-là, l'îlot va changer un petit peu d'activité parce que ils vont se retrouver sous les bretelles d'autoroute, vont revendiquer en fait d'être relocalisés. Et à cet endroit-là, bon, il y a beaucoup plus d'ombre à cause des bretelles qui sont plus nombreuses à l'époque, il n'y a pas d'eau courante. Alors le jardin, lui, va se déplacer ailleurs dans le quartier. Mais à ce moment-là, on va voir une organisation plus formelle de cette initiative-là qui va devenir presque un centre d'artistes à ciel ouvert. Et à ce moment-là, on va avoir deux générations d'artistes qui vont se côtoyer. Donc, d'une part, les Henry Sachs, Don Darby, qui vont côtoyer les BGL, Diane Landry, Cooksasville... Et Doyon de Mers, pour ne nommer évidemment que ceux-là, Hélène Matt aussi, la poétesse, qui va être très impliquée dans ce comité-là d'animation de l'île aux Fleuries. Et on va voir, encore une fois, le Festival Émergence poursuivre ses activités à ce moment-là. La fin... de l'île aux Fleuries va coïncider, en fait, à l'approche du 400e. La ville va avoir plusieurs nouveaux projets pour ce terrain-là. En 2007, il va y avoir la fin du protocole d'entente. Et à ce moment-là, plusieurs des 35 sculptures qui constituaient, entre autres, le parc de sculptures de l'île aux Fleuries vont être soit déplacées ou détruites ou en tout cas relocalisées. Certaines sont aujourd'hui disparu, mais j'aimerais quand même mentionner les quelques-unes qu'on retrouve encore puis qui sont vraiment des vestiges qui nous rappellent, qui sont vraiment une mémoire de cette initiative-là. Donc, on peut retrouver notamment une œuvre de Jacques Sanson et une autre de Norbert Langlois, une autre de Pierre Thériault, qui se trouve plutôt pas très loin de la rue Saint-Vallier, là, dans une partie un peu plus boisée, vraiment. Au pied du cap. Oui, tout à fait. Il y a aussi une œuvre de Bill Vazan qui est très proche d'une des sculptures de Bill Vazan qu'on retrouve aujourd'hui dans le jardin de sculpture du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, une pierre qui est gravée avec des réseaux de lignes qui s'entrecroisent. On a aussi un trio de trois sculptures d'acier qui sont placées les unes à côté des autres. Une sculpture de Don Darby, une sculpture aussi qui était une sculpture cinétique de Diane Landry, Le poids des papillons, réalisé en l'an 2000, et une œuvre aussi de Henri Saxe. Et finalement, probablement la plus connue, parce que la plus visible de ces œuvres qui restent de l'île aux Fleuries, c'est l'œuvre « Hommage à une sphère » d'Armand Robitaille, qui est placée à l'angle du boulevard Charest-Est et de la rue Monseigneur Gauvreau. Et donc, je trouvais que c'était particulièrement intéressant de s'intéresser, ou en tout cas de remettre en lumière cette initiative-là citoyenne, qui était vraiment un geste d'appropriation des espaces abandonnés du quartier, mais dans un geste de dignité, vraiment, de créer un espace qui est beaucoup plus hospitalier, un espace de rencontre, un espace inclusif, qui est né d'une initiative communautaire, artistique, mais qui avait aussi un poids, une posture très, très militante aussi. Oui, on n'a pas eu l'occasion d'en parler davantage, mais... Oui, on parle des initiatives artistiques, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisation citoyenne. Moi, je pense que j'ai été témoin là, du Sommet des Amériques. Oui, en effet. Dans cet espace-là, c'était un moment qui était assez hallucinant. Là. Il y c'était avait un lieu de rassemblement, brute, oui, vraiment. Assez intense que je vais me souvenir toute ma vie. Là, c'était fou. Oui, en effet, ça a été vraiment, vraiment important, là, justement, en 2001, en marge du Sommet des Amériques. Et puis moi, je terminerai en disant aussi que c'est assez intéressant de regarder justement l'histoire de l'île aux Fleuries, dans la mesure où aujourd'hui, il y a certains centres d'artistes qui ont une occupation temporaire et nomade dans le contexte de leur programmation, mais aussi avec la popularité des places éphémères aujourd'hui, c'est assez intéressant. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un parallèle à faire. Les gens apprennent à connaître les places éphémères aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas connu l'île aux Fleuries. En effet. Puis c'est intéressant de remettre en contexte aussi. Merci beaucoup, Delphine Guesbar. Ben, merci beaucoup. Nous, on va partir pour une pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Martin Pontois. Approchez. Cube Radio, car un spot radio s'adresse à l'imaginaire de l'auditeur pour le transporter. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Bonsoir, Martin Pontois. Bonsoir. Donc, tu reviens d'une résidence à Nantes. Tu as exposé, tu as présenté deux installations à cette occasion-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'OLAB, l'organisme qui t'a invité à faire cette résidence-là? Oui, ben l'OLAB, ça a d'abord été un collectif d'artistes. Okay. Qui, au fil des années, s'est transformé en centre d'artistes, mm-hmm. et en résidence. En fait, ils n'ont pas lieu d'habitation comme tel, mais ils ont deux beaux ateliers disponibles aux artistes en résidence là-bas. Donc, ils accueillent des artistes d'un peu partout pour produire de l'art public? Oui, ils n'ont pas de lieu de diffusion comme tel. Okay. Donc, souvent, c'est des résidences de production ou de recherche. Puis, ben, à l'occasion de ma résidence, ben, j'ai participé à un événement d'art public qui était organisé par l'OLAB. C'était la première édition. Là. Ils ont appelé ça Méliès. C'était au Square Méliès, du nom du cinéaste. C'est un jeu de mots à la française. OK, je l'avais pas compris en lisant dans le communiqué de presse. Bon, Méliès qui justement est une espèce de festival d'art public, mais qui va miser plus sur les arts éphémères, les arts plus multidisciplinaires. Oui, il y avait toutes sortes de formes d'art. Il y avait du théâtre de rue, il y avait des installations sonores, il y avait de la danse silencieuse. Il y avait toutes sortes d'activités artistiques présentées par une multitude d'artistes différents. Donc, c'était un festival vraiment ouvert. Et à cette occasion-là, donc, tu as fait une résidence. C'était combien de temps ta résidence? J'ai passé 3 semaines à Nantes. Ah, quand même. Et puis, au terme de cette résidence-là, tu as produit deux œuvres, Migration et Fragments. Puis, tu nous as préparé un petit montage du volet audio de l'œuvre Migration. Moi, j'ai le goût qu'on l'écoute d'abord, puis on va en jaser ensuite. Allons-y. Beaucoup arrivent du Soudan, sont passés par la Libye, ont été torturés. Ils n'ont pas besoin qu'on les déplace de droite et de gauche. Ils ont besoin qu'on les accueille, qu'on les accompagne et qu'on les traite comme des personnes et non plus comme du bétail. En 2013, c'est la rupture entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, soupçonné de préparer un coup d'État. Le Soudan du Sud fait face à une recrudescence des violences. Pour 12 millions d'habitants, le déploiement dans le pays de 4000 casques bleus supplémentaires. Ces violences ont fait des dizaines de milliers de personnes déplacées. Un autre million sont réfugiés dans les pays voisins. Il n'y a actuellement aucune perspective politique. Les pillages, les viols, c'est un conflit parti pour durer. Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux. Des hommes, des femmes, des enfants qui vivent sous tente dans ce square du centre-ville de Nantes. Ils n'ont rien, si ce n'est quelques vêtements entassés dans des sacs plastiques. Ce qui n'était qu'une réalité cachée, désormais visible au grand jour. Ils sont plus de 400 migrants. Ils attendent une chose, être reçus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La situation sanitaire est également au cœur des préoccupations. Pour tous, un seul cabinet de toilette et un seul robinet d'eau. Chaque jour, de nouveaux citoyens ulcérés par la situation se mobilisent. Pour les associations humanitaires sur place, la municipalité est encore loin du compte. Certes, 200 places en hébergement d'urgence devraient être proposées aux migrants qui vivent Square d'Avier, mais aucune solution à long terme n'a été pensée ou même proposée. Ici, en tout cas, on a problème d'hébergement. On suit nos procédures administratives, mais seulement on n'est pas bien hébergé. On dort à plein air et vraiment, c'est beaucoup, beaucoup fatigant, quoi. Oui, on est très fatigué. Même pas hier ou bien avant-hier, on n'est pas dormi. Surtout, on est en train de dormir avec notre tante là, mais c'est la merde, quoi. Mais depuis 2 mois, donc il n'y a pas de solution. Now stay here like 350 people. The majority is men, like 90% women is like 10 women only they stay here. En fait, il y a des Somaliens, il y a des Érythréens, il y a beaucoup d'origines ici en fait. Friends, they give you money, you go to school, no problem, but no home. Nous, on a laissé la famille là-bas, même on entre ici parce que, bon, en fait, c'est pas chaud. Pas encore parce que il y a des jours que nous entrer dans la maison en fait. Moi je viens du Soudan. Mon famille avant là-bas en fait c'est pas la guerre. Tu vois? C'est année de quoi? C'est année de il y a pas de nourriture. I was born 1993. Still now it's not war but it's like type. Something like that problem. 2003 maintenant 2017 tous les jours problème. They say this minority no good, this one is no good, this one no good. Il y a un jour qu'elle va arrêter. On va être comme avant en France. Pourquoi y a pas de guerre? Ou en Afrique y a pas de résidence. Mais c'est pas le même. C'est qui le grand? C'est ma voiture non? C'est pas ça. Ça se passe dans ma ville quand même. J'ai pas faire semblant de fermer les yeux. Et moi, la chose que je vais faire, c'est d'essayer de faire venir des copains ici. Maximum de copains ici et qu'on essaie de voir si on peut aider, même si on peut pas aider, parce que juste que discuter avec eux, je pense que ça leur fait du bien. Avant tout, on est des humains. Donc, en tant qu'humain, on peut s'intéresser à l'humain, à notre semblable. On est tous légitimes. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du volet de l'installation Migration de Wartin Pantois. Wartin est avec moi en studio en ce moment. Il y avait ce volet-là audio qui fait un peu état d'une espèce d'enquête que tu as fait sur le terrain en France, c'est ça? Oui, j'étais parti avec l'idée de faire une enquête. Quand je suis arrivé à Nantes, je savais pas laquelle. J'avais lu les actualités de ce qui se passe dans cette ville-là. Puis, bon, il y a un camp de migrants au centre-ville de Nantes où il y a 400 tentes. J'étais au courant de la situation. Je n'avais pris connaissance dans les médias. Puis, donc, je me suis présenté sur place la première journée, encore sur le décalage horaire, un peu naïvement, en étant là simplement pour voir la situation, peut-être m'entretenir avec des gens. J'avais apporté mon enregistreur numérique. Mon appareil photo aussi, mais là, prendre des photos, je trouvais que ça faisait trop voyeur. Puis finalement, j'ai pris aucune photo de migrants. Mm-hmm. Par contre, je me suis installé une table à pique-nique avec mon enregistreur numérique bien en vue. Et une table à pique-nique était comme au centre du campement. Là, il y avait des espaces, disons, communs, près du seul point d'eau du campement. Puis je me suis installé là. Et comme attendu de voir s'il allait se passer quelque chose. Et il s'est passé plein de choses. Ça a coulé de source, pour faire un mauvais jeu de mots avec le point d'eau. Mais ça a coulé de source. Par la suite, les éléments se sont enchaînés. Puis c'est comme ça que l'œuvre Migration a pris forme. Oui, je me suis rendu compte que les migrants n'avaient pas beaucoup de visites. En fait, les médias, parfois, répandaient un peu des rumeurs que c'était un milieu peut-être un peu dangereux, qu'il y avait des maladies qui couraient. Fait que, tu sais, c'était pas très invitant pour les citoyens d'aller visiter le campement ou d'aller à la rencontre des migrants, en fait, hein, d'aller les saluer, d'aller discuter avec eux, de leur souhaiter la bienvenue, en quelque sorte. Ouais, là, de... ouais. Mais... moi, sous une impulsion de découvrir qu'est-ce qui se passait, ben, je me suis installé, tout simplement. Puis, les gens sont venus vers moi. On a entamé toutes sortes de discussions. Il y a un migrant qui... parce qu'il y a beaucoup de migrants qui venaient du Soudan. Oui. Puis, ils parlaient pas français. OK. Mais il y en a un qui parlait anglais et soudanais. Si je me trompe pas, c'est leur langue. il a passé l'après-midi avec moi à faire l'interprète pour ceux qui... Puis, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Je me suis d'abord informé sur la situation au campement, il y avait mm-hmm. combien de personnes. Fait que là, les gens étaient contents de me parler, puis je me suis pas présenté comme un journaliste ou quoi que ce soit. J'ai vraiment indiqué que j'étais un artiste en résidence, que j'étais Canadien, et que je venais voir qu'est-ce qui se passait, tout simplement. Je savais pas encore que j'allais faire un reportage audio, ni une installation avec des tentes, là. J'étais vraiment comme... en processus de création, mais en fait, j'ai créé un dispositif pour me permettre de créer quelque chose. Il aurait pu ne rien se passer, mais finalement, plein de gens m'ont parlé, m'ont raconté ce qui se passait au campement et leur histoire aussi. Oui, d'où est-ce qu'ils viennent, de qu'est-ce qui a causé aussi leur... parce que c'est des réfugiés, ces gens-là. Donc, ils arrivent de lieux qui sont en crise et ils se retrouvent comme ça en France, à camper en plein centre-ville, dans des conditions qui sont probablement insalubres, j'imagine. Là, ça doit pas être facile. Non, les conditions de vie sont très difficiles. Puis, c'est des migrants illégaux, si on veut, mais ils n'ont pas d'autre place où aller. Là. Ils ont quitté leur pays... parce que c'est la guerre, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Souvent, ils ont traversé la Méditerranée, passé par l'Italie. Se trouvent une place où avoir une vie meilleure, en fait. Et dans l'extrait audio aussi, on entend à la fin, comme une espèce de bout un peu plus d'espoir, on entend aussi des Français qui parle de l'aide qu'ils viennent apporter aux migrants. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là qui se mobilisent pour leur venir en aide à ces gens-là? Il y a beaucoup de collectifs citoyens qui viennent en aide aux migrants. C'est mm-hmm. eux qui leur fournissaient la nourriture et les tentes. C'est pas la ville. Hein? Parce que les autorités, ils mettent rien en place pour les aider, ces gens-là? Ben, l'immigration, les migrants, c'est un problème, entre guillemets, qui vient d'autres problèmes, d'une situation internationale. Tu sais, c'est un enjeu pour la ville de Nantes, oui, mais c'est un enjeu pour la France, c'est un enjeu pour l'Europe, c'est un enjeu pour le monde. Oui. Fait que les municipalités qui se font trop accueillantes, ils ont l'impression qu'ils vont attirer une vague de migrants incroyable. Fait que, tu sais, les pouvoirs publics, disons, qui sont un petit peu... ils veulent pas trop intervenir. Oui, exactement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment les citoyens. J'ai assisté à vraiment des beaux gestes de solidarité et entendu parler, justement, de citoyens qui vont à la rencontre des migrants. Mais dans le cadre de collectifs. Mm-hmm. Des citoyens seuls là, qui vont se promener au campement, j'en ai rencontré un. Puis c'est celui dont on entendait l'extrait tout à l'heure. Puis, c'est aussi celui qui m'a autorisé, il ne sait pas, mais il m'a autorisé à faire le projet sur les migrants, parce que dans le contexte de la réappropriation culturelle, ça, mm-hmm. j'ai beaucoup réfléchi, mm-hmm. je me dis, bon, je suis en résidence 3 semaines, traiter d'un sujet, puis lui, j'ai comme un peu soumis mon questionnement, puis il m'a répondu quelques phrases extraordinaires, comme quoi, comme humain, on était légitime de s'intéresser aux autres êtres humains. Ouais. Puis là, ça m'a autorisé à faire le projet. Ouais. Parce que j'étais là en enquête, mais ça ne veut pas dire que le matériel que j'enregistrais allait me servir. Je ne savais pas où j'allais là, à ce moment-là. Et si on parle du résultat final, là, à quoi ça a amené cette enquête-là, cette rencontre-là? Qu'est-ce que tu as présenté comme œuvre d'art au festival Meillès à Nantes? J'ai présenté, en fait, comme il y a une certaine peur des migrants, tout ça, puis presque, disons, en caricaturant une peur de l'envahissement, tu sais, comme... Donc, j'ai présenté un mini-campement dans un autre square de la ville qui était composé de 5 tentes à avec de l'éclairage à l'intérieur. Donc, l'activité, c'était de soir. Donc, l'idée, j'ai préparé une installation en conséquence. Donc, c'était 5 tentes qui étaient alignées près d'un immeuble éclairé de l'intérieur et dans lequel il y avait un dispositif audio qui jouait en boucle le document audio que j'ai préparé. Là. Des fois, je l'appelle documentaire, mais c'est un peu... Oui, il y a quelque chose du documentaire puisque c'est de la capture audio, puis ça reste de... l'informatif, si on veut. Il n'y a pas de narration. C'est ça, peut-être la différence avec un reportage formel et un document audio artistique. Ouais. Ben, ouais. J'essaie quand même que ça ait du sens, mais il n'y a aucune narration. Il y a quand même une trame narrative, si on veut, dans le choix des extraits qui sont choisis. Et tu commences avec des extraits qui proviennent des médias. C'est pas la première fois que tu fais ça. Tu l'as fait l'été dernier pour l'œuvre sous forme de poubelle qui était présentée à la place de l'Université du Québec, mais c'était pas le même type de média. Est-ce qu'il y en a de ces médias d'opinion en France qui colportent la peur de l'autre, la peur des migrants? En tout cas, il y a des partis politiques qui le font. Oui. Mais pour ce qui est des médias, je pense que c'est pas répandu. Ouais, là. Il y a des médias de droite écrits, mais radio, j'en suis pas certain qu'il y a cette vague là, de radio populiste. Là. C'était quand même une curiosité personnelle. Mais donc, ces éléments sont plus... informatif, on dirait que tu mets un peu la table au début. Oui, je voulais mettre en contexte, parce que comme il y avait beaucoup de migrants qui venaient du Soudan, j'ai voulu mettre en contexte la situation au Soudan, ensuite la situation rapportée par les médias au campement, et ensuite, vraiment comme pour introduire la parole des migrants dans un contexte qui est celui, un contexte d'un pays qui va mal, d'un espoir, des conditions de vie difficiles au campement. Et ensuite, les migrants nous racontent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, leur espoir aussi là, d'une vie meilleure. Et un très bel extrait aussi de justement ce point d'eau où on n'entend seulement que l'eau, les gens qui viennent chercher l'eau. Donc, c'est très, très évocateur aussi de cette vie où on doit aller chercher son eau et puis on en dépend. On va prendre une petite pause audio avec encore un extrait proposé par Simon Roy. Et au retour, on va parler de l'autre œuvre que tu as présentée à Nantes, Martin-Pantois. Alors, Martin-Pantois, dans ta résidence à Nantes, tu as réalisé cette œuvre Migration, mais tu as aussi réalisé une œuvre que tu as intitulée Fragments. Donc, c'est une projection d'une série d'images que tu as faites à Nantes la nuit. C'est comment Nantes la nuit? Bien, Nantes la nuit, ça dépend où on est dans Nantes. Parce que si on est au centre-ville, il y a beaucoup d'activités. Puis moi, j'ai marché beaucoup dans Nantes, justement, avec l'idée de faire une enquête à la recherche d'un sujet d'enquête. Mm-hmm. Et j'ai pris des photos, des centaines de photos. Donc Nantes la nuit, ça dépend où on est. Ça peut être très fébrile, très. Il y avait un festival de jazz pendant la période où j'étais. Mm-hmm. Donc, il peut y avoir beaucoup d'activités, comme les rues peuvent être désertes. Là, je me suis amusé à prendre des personnes qui marchaient en solitaire dans les rues et des paysages urbains nocturnes. Puis aussi des scènes un peu plus interrogantes, comme quelqu'un qui transporte un matelot au milieu de la nuit sur sa tête, quelqu'un qui couche par terre, des bancs de parc libres. Puis ça, je l'ai pas. C'était une approche assez intuitive, tu sais. Comme j'étais en recherche peut-être d'un sujet d'enquête, je me suis pas limité à un sujet en particulier. Mais c'est dessiné finalement une thématique là, tout le long de mon séjour, qui est celui de où vont les gens qui n'ont pas de place où coucher. Et dans mon projet Fragment, il y a aussi cet aspect-là, en fait. Mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de tes préoccupations là, dans ta pratique artistique de se pencher vers l'itinérance, vers les gens qui ont peu de moyens, qui ont peu de ressources. Et tu me disais aussi, Ardon, que lorsque tu es arrivé, le logis qui était prévu pour t'accueillir avait comme été annulé? Ah oui, la ville de Nantes devait me fournir un logement, mais... à une semaine d'avis, en fait, avant que j'arrive, tout à coup, le logement était occupé par quelqu'un d'autre et je n'avais plus de place où habiter moi-même. Donc je ne sais pas si c'est ça qui a influencé mes thématiques de recherche création pendant mon séjour à Nantes, mais je me suis retrouvé moi-même avec un petit stress là, qui est sans commune mesure avec celui des migrants ou celui des sans-abri, évidemment, mais... c'est une anecdote de résidence. Oui, oui, oui, mais quand même, c'est sûr qu'on peut pas le vivre dans la même mesure qu'eux, mais d'en avoir un aperçu, déjà, ça peut diriger justement les questionnements. Donc, si on revient à cette projection Fragment, donc c'est une projection où les photographies s'enchaînent assez rapidement, que tu écrivais dans le communiqué. Pourquoi ce choix d'un rythme rapide des images? Où on n'a peut-être pas le temps d'y voir nécessairement. Là. En fait, j'ai comme voulu exagérer. Tu sais, quand on se promène la nuit dans les rues, même s'il peut y avoir des moments plus intenses, il reste que c'est assez tranquille. Ouais. Surtout la nuit, mm-hmm. Surtout tard la nuit. Puis, vu que je faisais un projet photo, notre rapport à l'image, habituellement, quand on consomme des images, entre guillemets, sur le web ou tout ça, on défile assez rapidement, on oui. prend pas le temps de bien regarder. Et quand on va dans une exposition de photographie traditionnelle, ben là, on est plus porté à prendre notre temps. Fait que j'ai voulu jouer avec ce rapport-là à l'image dans un contexte quotidien par rapport à celui d'une exposition, mais en empêchant un petit peu le spectateur de bien saisir ce qui se passait en faisant défiler les images de façon aléatoire, en fait. Le plus important dans le projet, c'était aussi le défilement qui était aléatoire pour que chacun puisse se construire des histoires par rapport à l'ordre des photos qui défilaient devant lui, mm-hmm. mais aussi la temporalité de la projection. C'était tellement rapide, c'était presque au seuil de la perception. Puis ce qui est intéressant, ben, d'un point de vue perceptif, si je peux dire, c'est que l'œil perçoit... Même si tu as plein d'images rapidement qui défilent, ben, ce qu'on perçoit surtout, c'est des humains. Ce qui reste, oui, on dirait... Oui, la première chose qu'on oui. reconnaît dans une image, c'est un visage, c'est un corps, c'est l'être humain. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'il y avait cet aspect-là que je trouvais intéressant parce que malgré toutes les images qu'on voit, puis même si c'est une fraction de seconde, ce qu'on retient souvent, c'est l'humain. C'est des formes d'humains. Dans différentes positions. Puis ça, je trouvais ça intéressant que ce qu'on puisse retenir d'un amalgame d'images, ben, au bout du compte, c'est l'humain. Puis l'humain, c'est la matière première de mon travail artistique. Oui, c'est ça. Ça vient rejoindre les préoccupations très, très humanistes qu'on retrouve dans ton travail, ou Artin Pantois, qu'on te suit depuis quelques années. Tu fais des interventions un peu partout dans la ville de Québec, là, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le travail de Artin Pantois, au détour d'une rue dans les quartiers Saint-Roch, dans le quartier Saint-Roch, les quartiers 33 de Québec, on peut tomber sur de tes interventions. Donc, souvent du papier collé, des personnages humains. Tu as commencé aussi à mettre de la feuille d'or sur tes personnages. Et là, on sent que dans les dernières années, tu explores aussi d'autres médiums qui peuvent penser un peu plus aux arts actuels. Donc, on a parlé aujourd'hui de d'œuvres sonores, de projections, d'installations. Qu'est-ce qui t'a amené à... puis là, il n'y a pas nécessairement un seul élément, mais qu'est-ce qui t'a amené à transformer ta pratique comme ça de l'intervention graffiti, collage, vers des éléments un peu plus construits, complexes? Bien, je dirais que c'est plutôt une accumulation, hein. Je prends pas comme un nouveau virage ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ajoute un peu à mon arc des nouvelles cornes, ou à ma harpe, tiens, pour être plus poétique. C'est beau. dans le fond, l'idée, pour moi, c'est que le médium serve le propos. Tu sais, oui. Il y a des propos qu'on peut malheureusement peut-être mal, auxquels on peut rendre mal justice, tu sais, qu'on peut moins bien interprété par le visuel. Parfois, l'audio, quand je l'ai introduit, c'était pour aussi donner la parole aux gens. Puis, tu sais, vraiment, concrètement, là, c'est-à-dire, au lieu de parler, ben je leur donne la parole, je fais des entrevues, puis j'accompagne mes œuvres d'audio. Je l'ai fait à quelques occasions. Et l'aspect installatif, disons, de mon parcours, ben il est arrivé parce que les sujets dont je voulais traiter se prêtaient bien à ces médiums-là, en fait. C'est tout le temps... En tout cas, j'essaie de vraiment de dire, ben si un médium peut bien servir mon propos, mon idée, je l'utilise tout simplement. Là. Je me fais pas... j'ai pas de souci de rester dans une ligne esthétique précise, mm-hmm. mais il reste que je pense que malgré tout, il y a un fil conducteur entre tout ça. Bien oui. Un aspect de la simplicité, noir et blanc ou monochrome, la feuille d'or... Bien, merci beaucoup, Martin Pantois, pour cette entrevue. Nous, on va prendre une pause audio et au retour, je vous fais un agenda de la semaine des arts visuels à Québec. We'll be right back.